إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue de voir aujourd'hui quelques questions liées à l'ostentation. On a vu hier l'importance que nos œuvres remplissent deux conditions impératives pour être acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu qu'il faut qu'elles soient conformes à la sunna et qu'elles soient sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses s'opposant à la sincérité, il y a l'ostentation, qui fait partie de l'association mineure et qui rend vaine l'œuvre dans laquelle elle est commise, c'est-à-dire qu'elle annule sa récompense. Mais l'œuvre n'a pas à être rattrapée. Toutefois, la personne ne sera pas récompensée pour celle-ci. Et on a vu hier différentes questions à ce sujet, comme la définition de l'ostentation, ses formes, les preuves de son interdiction tirée du Coran et de la Sunna, ainsi que le jugement de l'œuvre dans laquelle elle est commise, et ce, selon les différents cas et les différentes situations. On va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, deux autres questions qui sont très importantes aussi et qui concernent les signes de l'ostentation et les moyens de s'en préserver. Donc tout d'abord, quels sont les signes de l'ostentation? C'est-à-dire, quels sont les signes qui te permettent de déceler l'ostentation toi-même? L'objectif étant ici de la déceler afin de pouvoir y remédier et afin de pouvoir se corriger et de corriger nos intentions. Et l'objectif n'est pas de connaître ces signes dans le but d'aller ensuite inspecter nos frères et sœurs, ou alors d'avoir de mauvais soupçons sur eux, ou de les accuser d'ostentation, car ceci ne fait pas partie du comportement des vertueux. Mais la priorité de celui qui souhaite être un adorateur vertueux est de commencer à se réformer lui-même, corriger ses intentions et purifier son cœur de tout ce qui pourrait le corrompre. Il est donc très important de comprendre que la mention de ces signes a pour but que chacun d'entre nous puisse se remettre en question et se corriger s'il décèle en lui de l'ostentation. On va donc ici mentionner, inshallah ta'ala, 8 signes parmi les signes de l'ostentation qui indiquent la présence de ce vice dans le cœur et desquels il nous incombe de nous soigner. Le premier signe parmi les signes de l'ostentation est le fait d'aimer les éloges. Le fait d'aimer les éloges et les compliments des gens. Car en effet, comme on a vu, l'objectif de celui qui fait de l'ostentation, c'est que les gens aient de l'estime pour lui, qu'ils le respectent, qu'ils le complimentent, qu'ils disent du bien de lui, et ainsi de suite. Donc si tu ressens cet amour des éloges et des compliments, tu dois te soigner, et tu dois te rappeler que ces éloges ne te seront d'aucun profit auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ton cœur est corrompu. Donc ce qui doit t'importer, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais ce qui doit t'importer, c'est la place que tu occupes auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième signe, parmi les signes de l'ostentation, c'est le fait d'aimer que les gens soient à son service. Pourquoi? Car ceci rejoint le premier point en réalité. Si les gens sont à son service, c'est qu'ils le respectent, c'est qu'ils ont de l'estime pour lui. Et cela est ce que recherche l'auteur de l'ostentation. Le troisième signe, parmi les signes de l'ostentation, il y a le fait d'aimer que les gens soient indulgents dans les ventes et les achats. C'est-à-dire que la personne qui a cet amour d'être estimé par les gens et d'être respecté, lorsqu'il va vouloir acheter quelque chose, il va vouloir aimer que ces choses lui soient vendues à petit prix. Et lorsque lui il va vendre un objet ou une chose, il va souhaiter que les gens lui achètent au prix le plus fort. Et ceci revient, comme on a dit, au premier point. Car si les gens font cela, c'est que ils ont de l'estime pour lui, ils le respectent et ils l'aiment. Donc il va aimer que les gens soient indulgents envers lui. Et lui, il ne va pas faire preuve de cette indulgence, wallahu al-musta'an. Le quatrième signe, parmi les signes de l'ostentation, il y a le fait d'aimer qu'on lui fasse de la place lorsqu'il arrive, qu'on lui donne de la considération. Et ceci s'oppose au comportement du croyant, qui se doit d'être humble et de ne pas se sentir supérieur aux autres. Quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau dans la religion, quel que soit ta position ou ton poste au travail, tu ne dois pas mépriser tes frères et sœurs. D'autant plus qu'il se peut que celui que tu méprises et que tu penses inférieur à toi, il a en réalité un cœur plus pur que le tien. Tu dois donc prendre garde à cela et ne pas mépriser les autres. Mais tu méprises ta propre personne. Tel doit être le croyant. Tandis que celui qui aime être respecté et estimé par les gens, alors, lorsqu'il arrive, il va vouloir qu'on lui fasse de la place. Il va vouloir de la considération. Pourquoi? Car il se sent supérieur aux autres. Wallahu musta'an. Le cinquième signe, parmi les signes de l'ostentation, c'est le fait de commettre des péchés secrètement, lorsque l'on est à l'abri du regard des gens. Et en parallèle de cela, de feinter la crainte d'Allah et la piété lorsque l'on est devant les gens. Ceci est un signe de l'ostentation. Si tu n'as aucune gêne à commettre des péchés lorsque tu es seul, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, et c'est parfaitement ce que tu fais, et que lorsque tu es devant les gens, tu feintes la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu feintes dédaigner ce péché ou encore mépriser les gens qui le font et ainsi de suite, alors ceci est un signe de l'ostentation. Tu dois donc te soigner. Car le délaissement des péchés, que ce soit en public ou en privé, il ne doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi la personne sera récompensée. Et c'est cela qui est recherché par la piété. Le fait de délaisser les péchés, pourquoi? Par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas par peur du blâme des gens, ou d'être méprisé, ou d'être critiqué. Le sixième signe, parmi les signes de l'ostentation, c'est le fait d'être plus motivé, d'avoir plus d'entrain, et de multiplier les efforts dans l'adoration lorsque l'on est devant les gens. Puis lorsqu'on est seul, on est pris de paresse. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle est devant les gens, elle va multiplier les efforts. Pourquoi? Par recherche des compliments et des éloges des gens. Et cette précision ici, elle est importante. Que la personne fasse plus d'efforts devant les gens. Pourquoi? Par recherche de leurs compliments. Car, comme vous le savez, la nature de l'homme, elle va pencher vers la paresse. Et lorsque l'homme fréquente des gens de bien, des gens vertueux, des gens qui font beaucoup d'efforts dans les adorations, alors ceux-ci, ils vont avoir de l'influence sur lui. Et ils vont le pousser à faire le bien. Donc il aura plus de facilité à accomplir le bien lorsqu'il se trouve avec des gens vertueux. Par exemple, lorsque tu fréquentes des gens qui sont assidus à leur prière, lorsque tu as vécu au moment de la prière, cela te pousse à avoir cette assiduité. Si tu fréquentes des gens qui sont assidus dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va te pousser également à être assidu au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une preuve de l'importance de bien choisir nos compagnons. Car, comme il est venu dans le hadith, l'homme est sur la religion de son ami, que chacun d'entre vous regarde donc qui il prend comme ami. Ceci est important. Donc il ne faut pas penser que le fait que lorsque tu te retrouves en compagnie de gens vertueux, que ceci t'aide à t'améliorer, à te corriger, que ceci fait partie de l'ostentation. Tout ceci revient à l'intention en réalité. Si tu fais cela pour rechercher leurs éloges et leurs compliments, alors certes ceci est de l'ostentation. Mais si c'est le fait de fréquenter ces gens qui sont vertueux, qui te poussent à aller de l'avant, à aller vers le bien, alors que lorsque tu es seul ou lorsque tu es avec des gens qui sont corrompus et qui font des péchés, alors tu as plus de mal à faire ces bonnes actions. Ceci est tout à fait normal car cela vient de l'influence du bon et du mauvais compagnon. D'où l'importance de bien choisir tes amis. Le septième signe parmi les signes de l'ostentation, c'est le fait de se blâmer et de mépriser sa personne en public. Car en réalité, lorsque tu te blâmes publiquement, cela revient à quoi? Cela revient à faire tes propres éloges. Donc il faut prendre garde à cela. Mais en réalité, ceci revient à l'intention. Ceci revient à l'intention de la personne. Car on a par exemple un récit qui nous a rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui a vu un jour que ses compagnons l'attendaient devant sa porte et qu'ils étaient de plus en plus nombreux. Alors, il les a sermonnés et leur a dit, si vous connaissiez mes péchés, vous m'auriez jeté de la terre au visage et personne parmi vous ne m'aurait suivi. Donc ici, il les a mis en garde contre le fait de faire de l'exagération à son sujet et de l'élever à un rang qui n'est pas le sien. Donc si telle est l'intention de la personne, il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Mais il faut prendre garde à toujours purifier son intention. Enfin, le huitième signe que l'on va mentionner ici, c'est le fait d'aimer que les gens aient connaissance de tes œuvres, afin de recevoir leurs éloges et leurs compliments. Donc, celui qui fait de l'ostentation en général, il va tout faire pour que les gens aient connaissance de ses œuvres. Et lorsqu'il va faire une œuvre secrètement, comme une aumône par exemple, ou une prière, et que personne n'en a connaissance, cela le dérange, cela le ronge en lui-même. Alors, il va être tenté par le fait d'en parler de son œuvre, d'en informer les gens, de faire en sorte qu'elle soit connue, et ceci est un signe du manque de sincérité et de l'ostentation. Donc si tu ressens cela en toi-même, il t'incombe de te soigner, de remédier à cela. Donc tu vois à travers ces signes que si tu souhaites savoir, si tu fais de l'ostentation ou bien si tu es sincère, alors le signe principal de l'ostentation est le fait d'aimer être complimenté pour les œuvres de bien que tu fais, et le fait de détester être blâmé. Car celui qui œuvre par ostentation, il n'aime pas le blâme. Alors il va accomplir des œuvres de bien, pourquoi? Par peur d'être blâmé par les gens s'il ne les fait pas. Et s'il accomplit une œuvre dont les gens n'ont pas connaissance, il n'est pas satisfait, et son cœur désire que les gens en aient connaissance. Et en général, celui qui manque de sincérité, celui qui souffre de l'ostentation, les gens qu'il aimera le plus, ce seront ceux qui lui font le plus d'éloges et le plus de compliments. Et en parallèle de cela, il va détester ceux qui le blâment et ceux qui attirent son attention sur ses défauts. Et lorsqu'il va essayer de contraindre son âme à accomplir une œuvre secrètement, alors cette œuvre est difficile pour lui. C'est comme une charge, elle est très lourde, alors que publiquement, il n'a pas de mal à les accomplir. Et ce, car en réalité, il n'est pas animé par le désir de la récompense qu'il y a pour ses œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est animé par les compliments, l'amour des compliments. Il n'a donc pas le désir d'avoir des œuvres dont personne n'a connaissance, car son objectif est d'être complimenté par les gens, qu'ils le respectent et qu'ils aient de l'estime pour lui, wal'iyadhu billah. Donc si tu ressens un de ces signes, tu dois tout faire pour te soigner et pour repousser l'ostentation. Tu dois faire des efforts pour que tes œuvres soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui détient tout le bien. Tout le bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les récompenses, elles ne proviennent que d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et il châtie qui il veut parmi ses serviteurs. Quant aux gens, même s'ils te complimentent, même s'ils ont de l'estime pour toi, ils ne peuvent rien pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont que des créatures faibles comme toi. Et demain, ils seront dans leur tombe comme toi. Et ils seront interrogés de la même manière que toi. Donc comment peux-tu t'avilir et te rabaisser pour recevoir les éloges et les compliments d'une créature qui est aussi faible que toi? Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur et que cela s'oppose à la sincérité et que chacun d'entre nous doit donc faire des efforts pour se corriger, pour purifier ses intentions et vouer ses œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc voir maintenant quelles sont les causes et quels sont les moyens qui vont t'aider à te préserver et t'éloigner de l'ostentation. Premièrement, il y a la sincérité dans les œuvres. Ceci est la base, c'est-à-dire le fait de savoir que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles doivent lui être vouées exclusivement. Et que si tu fais cela, que tu voues exclusivement tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis qu'il ne te châtierait pas. Comme il est venu dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé. Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Puis il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans ne lui donner aucun associé, pas même par la recherche de compliments ou la recherche des éloges des gens, qu'il l'adore lui seul sans ne lui donner aucun associé. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui donne aucun associé. Donc si tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tu reconnais son droit, que tu lui voues exclusivement l'ensemble de tes adorations, alors tu seras préservé de son châtiment. Al-Fudayl, rahimahullah ta'ala, a dit, quiconque connaît le droit d'Allah comme il se doit, est alors loin de l'égarement. Et quiconque connaît la sincérité est alors loin de l'ostentation. Sincérité, elle va te préserver de l'ostentation, car la sincérité et l'ostentation, ce sont deux opposés, ils ne peuvent pas se réunir. Abu Nu'aym a rapporté de Muhammad ibn Ahmad al-Basri, rahimahumallahu ta'ala, qu'il a dit, l'obscurité de l'ostentation est dissipée du cœur par la sincérité, et l'obscurité du mensonge par la lumière de la véracité. Donc plus tu vas faire des efforts pour être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus ceci va dissiper de ton cœur l'ostentation, inshallah ta'ala. Le deuxième moyen, ou la deuxième cause pour te préserver et t'éloigner de l'ostentation, c'est de te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait parfaitement ce que cache ta poitrine. Et tout ce qu'il y a dans ton cœur sera dévoilé au jour de la résurrection. Tu dois donc faire des efforts pour atteindre le degré de la bienfaisance dont on a déjà parlé dans d'autres cours, qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Tu dois donc sans cesse te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'entend, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que tu caches dans ton cœur. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Donc si tu recherches les compliments à travers tes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Et tout ceci sera dévoilé, comme on a dit, au jour de la résurrection. Rappelez-vous du hadith que l'on a vu hier, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'ostentation est ce qu'il craignait le plus pour sa communauté. Puis il a dit, et Allah dira le jour durant lequel les serviteurs seront rétribués pour leurs œuvres. Allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation avec vos œuvres dans le bas monde, et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Ce hadith, comme on a dit, est authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc lorsque l'ostentation t'est suggérée, si tu es en prière, ou quelle que soit l'adoration que tu es en train de faire, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement cela, et que rien ne lui échappe. Puis corrige ton intention, et voue ton adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième cause, le troisième moyen pour te préserver et t'éloigner de l'ostentation, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu implores Allah de réformer ton cœur, de purifier ton cœur de tout ce qui pourrait le corrompre. Et il n'y a pas de doute que tu ne pourras atteindre cet objectif qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite sur ce verset que tu récites dans chacune de tes unités de prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est-à-dire que tu voues ton adoration à Allah seul en dehors de tout autre que lui. Puis ensuite tu dis, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. C'est-à-dire que pour concrétiser cette adoration que tu voues exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans l'aide d'Allah, tu ne pourrais pas accomplir les actes que tu accomplis. Tu as donc besoin de son aide afin de te réformer, afin de purifier ton cœur. Tu dois donc l'invoquer sincèrement en lui demandant de purifier ton cœur de l'ostentation ainsi que de tout ce qui pourrait le corrompre. La quatrième cause, le quatrième moyen qui rejoint l'invocation, c'est le fait de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Et si jamais le diable t'adresse une suggestion, alors cherche refuge auprès d'Allah. Dès que la suggestion du diable te vient, cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Donc lorsque le diable vient à toi avec une suggestion durant ta prière, ou durant toute autre adoration, tu dois chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable. Tu dis, A'udhu billahi minash-shaytani ar-rajim. Et tu continues ta prière. Tu ne prêtes pas attention à ses suggestions. Tu ne prêtes pas attention au fait qu'il te suggère que tu es en train de faire de l'ostentation, que les gens veulent te complimenter. Tu délaisses toutes ces pensées. Tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable. Et tu ne prêtes pas attention à cela, ni au regard des gens. Peu importe que les gens te voient ou non. Car ton objectif à toi, c'est quoi? Ce n'est que d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc faire prendre conscience à ton âme que tu ne pries que pour Allah, que tu ne jeûnes que pour Allah, que tu ne donnes des aumônes que pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc, si cette suggestion te vient alors que tu es en prière, tu continues ta prière, tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable, et tu continues ta prière comme on a dit hier en la perfectionnant. C'est-à-dire que tu vas prolonger tes inclinaisons, tu vas prolonger tes prosternations, et tu ne tiens pas compte de la ruse du diable, car son objectif est quoi? Est de te faire croire que ton œuvre est de l'ostentation afin de t'en détourner et que tu délaisses les œuvres. C'est cela son objectif lorsqu'il vient à toi avec ce genre de suggestion. Il va te dire, ah, tu pries par ostentation, pourquoi? Afin que tu délaisses cette prière. Tu lis le Coran par ostentation afin que tu délaisses la lecture. Tu es présent au cours par ostentation afin que tu délaisses ces cours. Et ainsi de suite. Donc tu ne tiens pas compte de ces suggestions, tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu purifies ton intention. Ainsi, le diable s'éloignera de toi et ne viendra plus à toi avec ce genre de suggestions. La cinquième cause, le cinquième moyen, afin de se préserver de l'ostentation, c'est de lutter contre ton âme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. C'est-à-dire ceux qui luttent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et espérant la récompense et le bien qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quelle est leur rétribution? Nous les guiderons certes sur nos sentiers, c'est-à-dire qu'ils seront guidés à la voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à la voie menant aux œuvres de bien qui conduisent le serviteur au paradis. Donc plus tu fais des efforts pour atteindre cet objectif, qui est un objectif immense, qui est le fait d'être sincère, plus tu seras guidé vers cela par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah te facilitera. Tu dois donc faire des efforts pour cela et ne pas désespérer. Ne pas désespérer et penser que ceci est insurmontable. Mais tu fais des efforts pour être sincère et plus tu feras des efforts, plus Allah te rétribuera en bien en te guidant vers cela et en te facilitant. La sixième cause, sixième moyen pour te préserver de l'ostentation étant l'éloigner, il y a le fait de te rappeler du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une suggestion te vient, le diable vient à toi et te fait penser à l'ostentation, au compliment des gens et ainsi de suite, tu te rappelles du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une des plus grandes causes qui va t'aider à te corriger. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 201 de Surat al-A'raf, « Inna alladhina attaqaw, idha massahum ta'ifum min ash-shaytan, tadhakkaru, fa'idha hum mubsirun. » Ceux qui font preuve de piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent et les voilà devenus clairvoyants. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset, « Ils se rappellent, c'est-à-dire, ils se rappellent du châtiment d'Allah et de sa grande récompense, ainsi que de sa promesse et de sa menace. » Alors, ceci les pousse à quoi? Ceci les pousse à repentir, à revenir à Allah, à chercher refuge auprès de lui, et ils retournent à Allah sans tarder. Ensuite, il dit, et les voilà devenus clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils se tiennent droits et sortent de ce sur quoi ils étaient. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc, lorsque le diable vient à toi avec ce genre de suggestion, tu te rappelles du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. Et ceci va faire naître en toi la peur de ce châtiment. Et plus particulièrement, tu vas te rappeler du châtiment de l'ostentation dans l'au-delà. On a vu hier plusieurs hadiths à ce sujet, notamment le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit une œuvre pour se faire voir ou se faire entendre, Allah le dévoilera le jour de la résurrection. » Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit « Les savants ont dit que le sens de cela est que celui qui fait de l'ostentation pour que les gens l'honorent, le révèrent et pensent du bien de lui, Allah le dévoilera au jour de la résurrection et montrera son vrai visage. » Fin de citation. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Vous voyez que la personne, elle sera dévoilée au jour de la résurrection. Donc tu dois te rappeler de cela au moment où tu fais de l'ostentation. Également, tu te rappelles de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Ya ayyuhal ladina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. » وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ô vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Donc tu te rappelles que parmi les châtiments de l'ostentation dans l'au-delà, il y a le fait que tes œuvres soient annulées, que tu sois privé de leur récompense. Et on a vu hier le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans un long hadith dans lequel il nous rapporte des événements qui se produiront au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans celui-ci, « Allah découvrira alors sa jambe, et tout croyant se prosternera pour lui. Resteront debout ceux qui se prosternaient pour Allah par ostentation. À chaque fois qu'ils essaieront de se prosterner, leur dos redeviendra droit. » Vous voyez que ce hadith est un hadith effrayant. Celui qui se prosterne ici-bas, pour rechercher le compliment des gens, il sera privé de la prosternation dans l'au-delà. Tu dois donc te rappeler de cela lorsque le diable vient à toi avec ce genre de suggestion. Également, tu te rappelles du hadith d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, au sujet des trois premières personnes qui seront jugées au jour de la résurrection. On a vu hier, celui qui a appris la science, qui l'a enseigné, qui a appris le Coran, on l'amènera alors, on lui rappellera les bienfaits dont il a été comblé, et il reconnaîtra ses bienfaits. On lui dira ensuite, et qu'en as-tu fait? Il dira, j'ai appris la science, je l'ai enseignée, et je lus le Coran pour toi, ô Allah. On lui dira alors, tu mens, mais tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es un savant, et tu as lu le Coran pour que l'on dise de toi que tu es un lecteur. Et ceci a certes été dit. C'est-à-dire, cela a été dit, tu as eu ta rétribution, la rétribution que tu recherchais à travers tes œuvres. Tu l'as obtenue ici-bas. Les gens ont fait tes éloges, les gens ont fait ton compliment. Ils ont dit que tu étais un savant, ils ont dit que tu étais un lecteur, et ainsi de suite. Donc, tu as obtenu ta rétribution ici-bas. On ordonnera alors de le prendre, et il sera traîné sur le visage jusqu'à être jeté en enfer. Et il en sera de même, comme on a dit, pour le riche, qui faisait des aumônes pour que les gens disent de lui qu'il est généreux, et le combattant qui allait au combat pour que les gens disent qu'il est courageux. Donc, vous voyez à travers ce hadith que celui qui recherche les compliments et les éloges des gens à travers ses œuvres de bien. Alors, peut-être qu'il recevra ses éloges et ses compliments ici-bas. Il aura ainsi obtenu sa rétribution qu'il recherche à travers son œuvre. Est-ce que ceci est la récompense que tu souhaites obtenir de tes œuvres, les compliments des gens, et être privé de la récompense de l'au-delà et de l'entrée au paradis, Wallah al-Musta'an. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc lorsque le diable vient à toi avec ce genre de suggestion, rappelle-toi de ces hadiths, rappelle-toi de ce châtiment qui sera affligé à celui qui accomplit des œuvres par ostentation et par recherche des compliments des gens. La septième cause te permettant de t'éloigner et de te préserver de l'ostentation, c'est de sans cesse te remettre en question et de faire ton examen de conscience. C'est-à-dire, tu examines tes œuvres, tu examines tes paroles, tu examines ton cœur et tes états ici-bas. S'ils sont bons, alors tu vas louer Allah subhanahu wa ta'ala et rajouter à cette bonté. Et s'ils sont mauvais, alors il t'incombe de te repentir et d'accomplir ce que tu as manqué ou ce que tu as négligé de la meilleure manière avant d'être jugé dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, waltanzur nafsun ma qaddamat li ghad, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce que vous faites. Comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on cache dans nos cœurs. Donc on doit faire preuve de crainte d'Allah. Sans cesse, regarder ce que l'on a avancé pour demain, c'est-à-dire pour l'au-delà. Est-ce que nos œuvres sont bonnes? Est-ce que si aujourd'hui je meurs, je suis satisfait de ma situation? Est-ce que je pense que si je meurs dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, j'obtiendrai la récompense et le paradis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois sans cesse te poser cette question. Si tu fais cela, que sans cesse tu te remets en question, tu fais un bilan avec toi-même concernant tes actes, concernant tes paroles, ceci va t'aider à être sincère et à te réformer, et à aller de l'avant. Et ainsi, bi'idhnillahi ta'ala, tu seras préservé de l'ostentation. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu a dit, jugez vos propres personnes avant de vous faire juger, car certes les comptes seront facilités au jour de la résurrection, pour celui qui examinait sa personne ici-bas. En effet, celui qui s'examine ici-bas, qui se remet sans cesse en question, cela lui permet de se corriger. Donc s'il se corrige, les comptes lui seront facilités au jour de la résurrection, car il se sera corrigé. Ne va pas attendre d'être jugé pour se rendre compte de toutes ses mauvaises œuvres et de ses manquements vis-à-vis de ses obligations. Il est rapporté de Maïmoun ibn Mahran, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit, le serviteur ne sera pas pieux tant qu'il n'examinera pas sa propre personne de la même manière qu'il examine son associé. D'où a-t-il obtenu sa nourriture et d'où a-t-il obtenu sa boisson? Vous avez vu les gens lorsqu'ils s'associent dans le commerce. Est-ce que deux ou trois ou quatre personnes font un commerce ou une entreprise ensemble? Il y a de grandes possibilités qu'ils aient des mauvais soupçons les uns envers les autres. Alors, chacun d'entre eux va surveiller l'autre. Il va l'examiner dans les moindres détails. S'il le voit avec une nouvelle tenue, il va se dire, ah, peut-être qu'il a pris une part des bénéfices en plus que moi. Il le voit avec une nouvelle voiture ou une nouvelle chose, il va avoir de mauvais soupçons sur lui, il va sans cesse l'examiner, alors il va le surveiller. Il va surveiller les comptes de la société et ainsi de suite. Donc il nous dit ici, rahimahullah, le serviteur ne sera pas pieux tant qu'il n'examinera pas sa propre personne comme il examine son associé. De la même manière que tu vas surveiller ton associé, surveiller ses faits et gestes au sein de l'entreprise, et surveiller ses faits et gestes, surveiller les comptes et ainsi de suite, tu dois te demander des comptes à toi-même, avec ta propre personne. Est-ce que tes œuvres sont bonnes? Est-ce que tes paroles sont bonnes? Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que tu es sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite? Tu t'examines de la même manière. Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a mentionné qu'Abu Bakr Hicham al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, par Allah, écoutez bien cette parole, parole d'un parmi nos salaf, par Allah, je ne suis pas en mesure de dire que je suis parti un jour à la recherche du hadith en voulant par cela le visage d'Allah. Allahu Akbar. Écoutez la parole de Dhahabi, rahimahullah ta'ala, qui dit, après avoir cité cette parole, il dit, par Allah, moi non plus. Voyez leur sincérité, subhanallah. Comment ils se remettaient en question. Pas comme beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Moi je suis sincère, moi j'ai un cœur bon » et ainsi de suite. Allah musta'an. Les salafs, rahimahumullah ta'ala, ils recherchaient la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils se remettaient toujours en question. Et c'est pour cela qu'ils ont atteint ce rang et cette noblesse et qu'ils sont devenus des imams que l'on prend pour modèle jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des gens qui n'ont pas recherché la science dès le départ pour Allah. Puis ils ont obtenu la science et ont emprunté la voie de la droiture et ont fait leur examen de conscience. Cela leur a permis donc de réformer leur situation et de corriger leur intention. La science donc, elle les a conduits à quoi? Elle les a conduits à la sincérité en cours de chemin. Comme l'a dit Mujahid, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les salafs. Nous avons recherché la science alors que nous n'avions pas une grande intention. Puis Allah nous a accordé une intention après cela. Et certains ont dit, nous avons recherché la science pour autre qu'Allah, mais la science refusa d'être si ce n'est pour Allah. Donc cette science, elle les a aidés à augmenter en termes de piété, à se remettre en question, à corriger leurs intentions. C'est pour cela qu'il convient à chacun d'entre nous d'examiner notre cœur, et ce de la manière la plus profonde, comme on a dit, de la même manière que tu examines ton associé. Et certains ont d'ailleurs dit à ce sujet que l'âme, elle est comme un associé trompeur. L'associé trompeur, si tu ne le surveilles pas, il va partir avec ton argent. De la même manière, l'âme, si tu ne l'examines pas, que tu ne la surveilles pas, que tu ne te remets pas en question, alors elle va partir avec quoi? Elle va partir avec les récompenses que tu aurais pu obtenir. Elle va te les faire perdre. Wallahu musta'an. C'est pour cela qu'il faut sans cesse se remettre en question, afin de purifier nos cœurs, d'être sincères, et de nous éloigner de l'ostentation et de tout ce qui peut corrompre les cœurs. La huitième cause qui permet de s'écarter de l'ostentation est d'accomplir tes adorations secrètement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Il dit cela en mentionnant les caractéristiques de ses serviteurs vertueux. Et il n'y a pas de doute que les adorations accomplies durant les heures de la nuit, elles sont plus proches de l'acceptation et plus loin de l'ostentation, car la personne est à l'abri du regard des gens. Ceci va donc t'aider à être sincère bi'inillahi ta'ala. On parle bien sûr ici des œuvres surrogatoires qu'il est permis d'accomplir secrètement. Quant aux œuvres que tu dois accomplir publiquement, qui sont obligatoires, comme le fait d'accomplir la prière en commun à la mosquée, la prière du vendredi, ainsi de suite, ce sont des œuvres qui s'accomplissent obligatoirement, publiquement. Donc on parle ici des œuvres que tu peux accomplir secrètement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « In tubdu s-sadaqati fani'immahi, wa in tukhfuha, wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khayrun lakum, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum » Wallahu bima ta'maluna khabir. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, ceci est un bien. Et si vous les dissimulez et les donnez aux indigents, alors c'est encore mieux pour vous. Allah effacera une partie de vos méfaits et Allah sait parfaitement ce que vous faites. On a déjà mentionné ce verset dans un cours précédent au sujet du cours sur l'aumône. On a mentionné la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qui dit dans l'explication de ce verset, ceci prouve que la dissimulation de l'aumône est meilleur que le fait de la donner publiquement. Car cela est plus loin de l'ostentation. Ce que tu donnes, une aumône, secrètement, alors tu es plus à même d'être sincère et de t'éloigner de l'ostentation et de la recherche des compliments des gens. Ensuite, il dit, rahimahullah, sauf s'il découle du fait de la donner publiquement un intérêt prépondérant, comme le fait que les gens le prennent pour modèle, alors cela est meilleur à cet égard. Comme on a vu hier, si le fait de donner une aumône publiquement va te permettre d'inciter les gens à donner des aumônes aussi, et à te suivre dans cette bonne action. Alors ceci est meilleur, car tu obtiendras ainsi la récompense de ton aumône et la récompense de ceux qui t'ont suivi dans ce bien. Car celui qui indique un bien obtient la récompense de celui qui le fait. Toutefois la base, comme il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, la base est que la dissimulation est meilleure d'après ce verset. Ceci est la base, et il y a des exceptions comme on l'a vu dans le cours d'hier. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté, d'après Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les gens, priez dans vos demeures, car la meilleure des prières et celle de l'homme dans sa demeure, en dehors de la prière obligatoire. C'est-à-dire que la meilleure des prières que tu vas accomplir, c'est celle que tu fais dans ta demeure à l'abri du regard des gens, en dehors de la prière obligatoire qui doit être accomplie à la mosquée pour les hommes. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit, au sujet de ce hadith, « Et ce, car la prière dans sa demeure est plus proche de la sincérité et plus éloignée de l'ostentation. Ceci fait partie des œuvres secrètes, alors que son accomplissement à la mosquée est public et l'œuvre secrète est meilleure. » Donc le fait d'accomplir tes œuvres secrètement, comme les prières surérogatoires, la ratiba après le maghreb, la ratiba après l'isha, si tu as la possibilité de les accomplir chez toi, alors ceci est meilleur et plus proche de la sincérité, cela va te permettre de t'éloigner de l'ostentation. Il est donc recommandé de cacher tes œuvres pieuses. Mais aussi, également un point important qui échappe à beaucoup de personnes, de cacher ce que tu vas rencontrer comme difficulté dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'exposes rien de cela. Par exemple, il y a des personnes... Ils vont parler de leur fatigue dans l'adoration d'Allah, des efforts qu'ils ont dû faire pour prier, des efforts qu'ils ont dû faire pour, par exemple, venir en aide à des nécessiteux et ainsi de suite. Tu caches ces difficultés, tu n'en parles pas. Car ces difficultés, ce sont des récompenses, bi'idhnillahi ta'ala, que tu obtiendras auprès d'Allah. Tu ne dois donc pas en parler. Tu n'exposes rien de cela, sauf s'il y a un intérêt. Comme par exemple, le fait de clarifier un jugement, ou le fait, comme on a dit, qu'on te prenne pour exemple dans cela et ainsi de suite. Et c'est ainsi, comme on a dit, que l'on interprète ce qui nous a rapporté des salafs comme récit à ce sujet, de certaines œuvres qu'ils ont accomplies publiquement. Leur objectif était d'être pris pour modèle en cela. De la même manière, lorsqu'ils informaient de leurs œuvres, lorsqu'ils disaient qu'ils avaient fait telle ou telle œuvre, c'était pour être pris pour modèle et pour inciter les gens au bien. Mais sinon, la base est que tu dois dissimuler tes œuvres autant que possible. Et ceci est fortement recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres. Comme on a dit, les bonnes œuvres, celles qui sont sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Il est rapporté de Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit au sujet de ce verset, quiconque souhaite voir le visage de son Créateur, qu'il accomplisse des œuvres pieuses et n'en informe personne. C'est-à-dire que tu les caches, tu les dissimules, tes œuvres pieuses, autant que possible. Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a mentionné que l'imam Abu'l-Hassan, Muhammad ibn Aslam al-Kindi, rahimahullah ta'ala, a dit, si j'étais capable d'accomplir une œuvre, écoutez bien, si j'étais capable d'accomplir une œuvre, d'un endroit où mes deux anges ne me voient pas, c'est-à-dire les scribes qui notent les bonnes et les mauvaises actions, alors je l'aurais fait par peur de l'ostentation. Allahu Akbar. Ceci nous montre à quel point la personne doit faire des efforts pour dissimuler ses œuvres de bien afin de les vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu dans un cours précédent le hadith des sept catégories de personnes qui seront à l'ombre d'Allah au jour de la résurrection, au jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Il y a parmi eux quelqu'un qui a dissimulé son aumône à tel point que sa main gauche ne savait pas ce que sa main droite avait dépensé. Donc tout ceci nous prouve l'importance de ne pas parler de nos œuvres pieuses, de ne pas parler de nos œuvres de bien, de manière générale, notamment les œuvres que tu accomplis chez toi à l'abri du regard des gens. Tu n'en parles pas, mais tu les dissimules autant que possible. Sauf s'il y a un intérêt prépondérant, comme on l'a déjà mentionné et expliqué. La neuvième cause, parmi les causes te permettant de te prémunir et de te préserver de l'ostentation, c'est le fait d'apprendre les différentes sortes d'ostentation. Car celui qui ne connaît pas une chose, celui qui ne sait pas ce qu'est l'ostentation, celui qui ne connaît pas les différentes formes d'ostentation, la manière par laquelle l'ostentation se manifeste, les signes de l'ostentation, alors comment il va pouvoir s'en prémunir s'il ne sait pas ce que c'est? Donc ceci est important, que tu apprennes les différentes sortes d'ostentation, la manière par laquelle l'ostentation se manifeste et ainsi de suite. De la même manière que tu apprends le bien, afin de le mettre en pratique, tu te dois d'apprendre le mal. Pourquoi? Afin de t'en éloigner et afin de prendre garde à celui-ci. Car celui qui ne connaît pas une chose, il ne peut pas s'en préserver. Enfin, la dixième cause, parmi les causes importantes te permettant de te préserver, de t'éloigner de l'ostentation, il y a le fait de ne pas se sentir à l'abri de l'ostentation. Tu ne te sens pas à l'abri, car nul parmi nous n'est à l'abri. Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a mentionné que Al-Awza'i a rapporté de Ibn Abi Lubadah, rahimahumullah ta'ala ajma'in, qu'il a dit. La personne la plus proche de l'ostentation est celle qui s'en croit à l'abri. Celui qui se croit à l'abri, alors il est plus à même de tomber dans l'ostentation. Donc tu dois craindre l'ostentation, ne pas te sentir à l'abri. Et cette crainte, elle va t'aider à quoi? À prendre garde à l'ostentation. Car celui qui se sent à l'abri, au final, il n'est pas sur ses gardes, il ne peut donc pas s'en protéger. Contrairement à celui qui ne se sent pas à l'abri, qui va faire des efforts pour s'en éloigner, qui va sans cesse inspecter son cœur, l'analyser et prendre garde à ce que rien de ses œuvres ne soit voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nul parmi nous ne doit se sentir à l'abri. Tout ça, se rappeler que c'est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus pour la communauté. La chose que je crains le plus pour vous est l'association mineure. Il a été interrogé à son sujet, il a dit, c'est l'ostentation. Donc tu dois prendre garde à cela, ne pas te sentir à l'abri et faire des efforts afin de t'éloigner et de t'en préserver. Ceci était donc quelques questions liées à ce vice et ce défaut très grave qui est l'ostentation, qui, comme on a dit, peut être une cause de l'annulation de la récompense de nos œuvres. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous de l'ostentation, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs de toute forme de polythéisme, de toute forme d'association, ainsi que de tout ce qui pourrait corrompre les cœurs. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.